Ok, donc c'est parti pour la FAQ. Alors j'ai reçu beaucoup de questions, donc je vais sûrement pas répondre à tout. Si vraiment votre question vous semblait essentielle et que vous vouliez avoir une réponse, n'hésitez pas à me la reposer en commentaire et je vous répondrai individuellement. Mais pour des raisons de concision, je vais pas pouvoir répondre à tout. Déjà, merci d'avoir répondu à ce questionnaire et d'avoir posé vos questions. En barre d'infos, tous les timings pour accéder aux thématiques et aux questions qui vous intéressent si vous voulez sauter tout le reste. J'ai réparti ça en grandes rubriques. Alors la première, ce sera donc les questions qui ont été posées sur les études que j'ai faites, mon parcours professionnel. Pour faire vite, si vous voulez vraiment le détail, je vous conseille d'aller en barre d'infos tout de suite pour consulter la page web de mon site internet professionnel sur laquelle il y a mon CV complet. Mais pour dire vite et pour rester un peu dans les choses qui vous intéressent, parce que j'ai fait d'autres choses à côté, mais j'ai eu une formation universitaire en licence, j'ai fait ce qui s'appelle une licence humanité. C'est un truc qui existe à la fac de Nanterre et ça comprenait des lettres, des langues, de la philosophie et de l'histoire. Donc c'est du pluridisciplinaire à l'université. Ça ne prépare à aucun concours en particulier, donc on ne suit pas par exemple les programmes des concours de l'ENS ou quoi que ce soit. En troisième année, j'ai pris une spé philo et j'ai poursuivi en master. J'ai passé les concours, j'ai eu le CAPES. J'ai voulu refaire une année pour passer encore une fois l'agrégation, mais j'étais un peu trop fatiguée donc j'ai arrêté. J'ai fait mon année de stage en tant que professeur de philosophie et j'ai démissionné à la fin de cette année-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé la chaîne. Il y en a qui m'ont demandé si j'avais fait de la recherche ou si j'avais une thèse ou quoi que ce soit, ou si j'en faisais maintenant. J'aurais bien aimé, mais comme j'ai pas un parcours classique, c'est assez compliqué en fait d'avoir des financements. Et comme je vieillis, plus le temps passe, plus ça va être difficile pour moi. Donc vous me demandez aussi pourquoi j'ai envie d'ouvrir la chaîne. Alors pendant que j'enseignais, je cherchais parfois du contenu pour mes élèves pour essayer de varier un petit peu. Et j'ai regardé ce qui se faisait en philosophie sur YouTube parce que jusqu'à présent, je connaissais pas spécialement la sphère de la vulgarisation, je traînais pas beaucoup sur YouTube ou en tout cas pas dans ces thématiques-là. Et en cherchant, je suis tombée sur beaucoup de choses qui m'ont pas beaucoup intéressée. Je trouvais que ce qui se passait en philo, c'était alors effectivement beaucoup à destination des gens qui passent le bac et en même temps beaucoup trop à destination des gens qui passent le bac. C'était un peu comme si je redoublais mon cours. Et surtout beaucoup ce qui m'a déçue, c'était l'aspect très infantilisant de certaines vidéos, très vulgaires. Et j'avais pas spécialement envie d'adresser ça à mes propres élèves et à moi-même encore moins par conséquent. Et je trouvais que ça manquait de contenu un peu plus sérieux et un peu moins volontairement infantilisant. Et je suis tombée sur la chaîne de Politikon et je me suis dit, en fait, c'est exactement ça que j'aimerais voir plus. Pas que sur la philosophie politique, il faudrait que, par exemple, il y ait des gens qui soient spécialistes de telle catégorie de la philosophie ou de tel sujet dans la philosophie qui fassent aussi du contenu. Mais déjà, j'étais très contente de trouver la chaîne de Politikon. Ça m'a donné envie de le faire moi-même sur mes propres thématiques, celles qui m'intéressaient quand j'ai fait de la recherche, quand j'étais en master. Et je me suis dit que c'était l'occasion de se donner des buts pour reprendre les textes, reprendre les thématiques et approfondir parce que, comme a priori je ne suis pas intégrée dans le circuit de la recherche, je me suis dit que c'était aussi une manière de revenir vers quelque chose de plus restreint que ce qu'on fait quand on enseigne la philosophie en terminale ou ce qu'on fait quand on doit passer les concours de l'enseignement. Et ça correspondait à ma volonté d'avoir quelque chose de très précis, de fouillé, où on pouvait prendre son temps en allant vraiment explorer un champ en particulier. Alors évidemment, on reste un peu en surface parce qu'il s'agit de vulgarisation, on n'est pas en train d'écrire des articles à destination de scientifiques. Mais déjà, par rapport à ce qu'on peut faire quand on enseigne en terminale ou par rapport à ce qu'on peut faire quand on passe les concours, c'est très soulageant en fait parce qu'on revient vraiment à un mode d'intérêt qui va être extrêmement précis et c'est beaucoup plus intéressant. Alors vous me demandez aussi le nom de la chaîne, pourquoi j'ai fait une vidéo d'intro où j'explique un peu ça. Alors c'est la première vidéo donc je la regarde pas parce que sinon je pense que j'aurais envie de fermer la chaîne. Mais en gros pour vous dire vite, Game of Hearth, c'est un jeu de mots déjà avec la série Game of Thrones, dans le sens où il y a des tas d'intrigues politiques, de la baston, etc. Et je voulais qu'il y ait un peu cet aspect guerrier, dans le sens où les textes et les théories, les thèses que j'aborde sont parfois conflictuelles, elles se répondent, elles sont pas forcément toujours de très bonne humeur, et c'est aussi le côté, ça a une portée critique, donc nécessairement c'est une forme de pensée de combat. Voilà. Il y a ça, et hearth, en fait, ça désigne la pierre sur laquelle on allume le feu à l'intérieur de la maison, donc le foyer, c'est une sorte de métonymie, on va dire. En fait, ça résonne dans les deux thématiques, l'écologie politique et les féminismes, dans le sens où dans les féminismes, on voit bien la question du privé qui est politisée, et dans l'écologie politique, le lieu d'habitation cosmologique ou le lieu d'habitation d'environnement local aussi fait office de foyer, on va dire. Pourquoi ces deux thématiques, je les traite? Bah, à la fois parce que j'ai envie de le faire, parce que c'est ces deux-là qui m'intéressent, et en même temps, on voit bien que les deux se recoupent au niveau de l'aspect interroger la matérialité des existences humaines, comment on essaye de les thématiser, de les aborder, de les réfléchir. On me demande aussi, du coup, quels étaient les déclics d'intérêt pour les thématiques? En gros, pourquoi est-ce que j'ai commencé à m'intéresser à ça? L'écologie politique, c'est parce que c'est ce qui est venu en premier. L'écologie politique, en fait, j'ai eu un cours à l'université qui était donné par Émilie Hache, qui était une introduction aux pensées environnementalistes et à l'écologie politique. C'était assez vaste, donc ça faisait découvrir un énorme panorama de pensées. Et ça m'avait beaucoup intéressée, et c'est notamment pour ça en fait que j'ai continué en master de philosophie par la suite, parce que je voulais pouvoir creuser ce corpus-là. C'est aussi pour ça que j'ai travaillé avec Émilie Hache comme directrice de mémoire de master, etc. Alors je pense qu'on peut dire que c'est un intérêt intellectuel. Je suis surtout intéressée par la construction des problèmes et par la construction des argumentaires. Et donc j'avais envie de le voir dans l'écologie politique. Je ne sais pas exactement vous dire pourquoi ça particulièrement ça m'intéressait, mais peut-être que ça me semblait aussi, par rapport à ce qu'on peut voir en philosophie classique, ça me semblait des thématiques qui nous permettaient d'aborder des questions contemporaines avec des textes relativement contemporains. J'ai une relation un peu particulière avec le corpus philosophique classique qu'on attend de nous qu'on sache à l'université. C'était pas forcément ce qui me passionnait le plus. Et du coup, aborder les concepts et les questions philosophiques à travers la question de l'écologie, ça me semblait pour moi quelque chose de plus intéressant et de plus vivant que de retourner une énième fois aux questions d'Aristote sans se demander si ces questions-là ont vraiment une forme d'actualité et comment est-ce qu'on peut les rejoindre aujourd'hui avec des questions plus contemporaines. En fait, je me suis dit que prendre à rebousse-poil la question des concepts, c'était peut-être une manière plus intéressante de fonctionner. Partir de questions qu'on se pose parce que ça fait partie de nos vies immédiates et parce que c'est des enjeux politiques, des enjeux aussi éthiques, extrêmement présents dans nos vies. Partir de là et revenir aux concepts et aux plus fondamentaux, ça me semblait effectivement quelque chose d'un peu plus attirant. Et puis, pour les questions, le déclic, si on peut dire ça comme ça, du côté du féminisme, ça, c'est un peu flou dans ma tête, mais j'ai souvenir que au moment où j'ai décidé de ne pas repasser l'agrégation, j'ai eu envie de revenir vers des lectures qui m'intéressaient plus, et donc vers l'écologie politique, parce que quand on passe les concours, on n'est plus vraiment dans notre champ de recherche si effectivement on n'est pas sur les thématiques du concours, et souvent les thématiques des concours, c'est la philosophie plus classique qu'on enseigne en terminale, etc. Et je me suis dit, réouvrons des bouquins qui nous intéressent pour les recherches, éventuellement réfléchissons à produire un projet de thèse, on n'a pas la grecque, tant pis. Et puis, première chose que j'ai faite, je me suis dit, je vais lire ce recueil de textes écoféministes qu'a publié Émilie Hache. C'est peut-être son seul ouvrage que j'avais pas encore lu. Et je me suis installée à lire ça, et je me suis dit, c'est vraiment très très intéressant en fait de croiser ces deux questionnements-là. Sauf que je ne connaissais absolument rien à l'époque du corpus féministe et des corpus sur les questions de genre. Et par conséquent, suite à cette lecture-là, je me suis dit, ok, si moi-même je veux creuser les deux à la fois en faisant de la recherche, il faut absolument que d'urgence, je me mette à lire le corpus féministe. Ce que j'ai fait. Donc encore une fois, c'est une relation relativement intellectuelle à cet objet. Effectivement, je pense qu'on peut dire que quoi qu'il arrive, quand on tripote une pensée, de toute manière, ça a des implications sur notre manière de vivre et de voir le monde. Quoi qu'on fasse, en fait, quelle que soit l'activité sur laquelle on se lance, ça va avoir des répercussions sur nous-mêmes. Et on a tendance à le voir peut-être plus dans la question du féminisme parce que ça touche à notre rapport à notre corps, à notre rapport avec la partie masculine de l'humanité, qu'on vive au quotidien avec ou qu'on ne vive pas au quotidien avec. Mais pour moi, vraiment, je pense que l'intérêt, encore une fois, il est très très intellectuel. Et en fait, c'est peut-être une manière pour moi de gérer le fait qu'échapper aux dynamiques de genre, c'est impossible. Et en fait, le savoir, c'est faire face à quelque chose d'assez violent finalement. On se sent pris au piège. Mais en gros, mes déclics, c'est plus des passions intellectuelles. J'ai un aspect plus cerveau dans une cuve que militant. C'est pour ça que je suis plus dans les questions théoriques et plus proche de l'université que des sphères militantes. On me pose aussi des questions sur mon workflow, ma méthode et mon matériel. Alors pour commencer par le matériel, je tourne avec des GoPro 6, la 7 et la 8. C'est absolument pas du matériel adapté, donc je vous le déconseille pour tourner en intérieur et en plan fixe. Des GoPro, c'est vraiment des caméras pour du sport extrême en extérieur. Mais c'est ce que j'ai moi pour des raisons familiales, on va dire, donc je m'en sers parce que j'ai pas spécifiquement envie d'investir dans du matériel pour filmer en intérieur. Et c'est aussi pour ça. On m'a dit ça sert à rien de faire du noir et blanc. Eh bien, ça sert à camoufler la merde, si vous voulez savoir. Donc mettre en noir et blanc et dégrader l'image, c'est une manière pour moi de pas trop me prendre la tête. Et puis c'est aussi une manière pour moi de faire face à ma propre image quand je fais du montage, parce que je déteste me voir. Plus je dégrade l'image, moins je me reconnais, plus ça me satisfait. Voilà. En dehors de la GoPro, j'ai aussi un set de deux softbox pour la lumière que j'ai acheté récemment pour pouvoir faire des interviews dans des lieux qui n'étaient pas forcément très lumineux. Et puis finalement, chez moi, c'est pas très lumineux non plus. Le micro. J'ai plusieurs micros à présent pour les entretiens et quand je tourne en face cam, j'ai le petit micro Smart Lav qui est pas mal mais qui marche assez mal sur ma voix parce que ça marche plus sur les voix graves. J'ai un Blue Yeti pour faire la voix off qui est un micro qui est très sensible, pareil, donc ne vous avisez pas d'avoir quoi que ce soit qui fasse du bruit autour de vous, même si vous mettez une bonnette. Pour ce qui est des softs, j'utilise le téléphone donc pour prendre le son ou Audacity. Ensuite, je monte sur Kden Live. Tout ça, c'est des logiciels libres, hein. Ça fait 10 ans que je suis sous Linux, donc je n'ai que des logiciels libres. Et l'animation, bah, récemment du coup, qui a été mis en place, c'est faire un schéma sur Excalidro, donc vous pouvez trouver, si vous voulez, je mettrai l'adresse du site en barre d'infos. Donc le schéma sur Excalidro, je crée des calques ensuite sur Inkscape, et ensuite ces objets, donc ces calques, sont animés sous Sosie. Le workflow, donc oui, on me demandait si je travaille seule le temps que ça me prend. Je travaille seule, je fais absolument tout, toute seule, à part effectivement quand il s'agit d'apprendre pour des nouveaux logiciels, là j'ai un petit coup de main. Et je suis en temps plein depuis ma démission, donc ça fait plus d'un an maintenant. Je suis en temps plein, ce qui fait que je travaille entre 8 et 10 heures par jour sur les vidéos. Alors j'ai d'autres activités qui sont aussi en rapport avec la vulgarisation, mais fondamentalement c'est la vidéo qui me prend le plus de temps actuellement, même si j'aimerais développer d'autres choses qui me permettent de toucher des rémunérations. Alors comment ça fonctionne? En gros, quantitativement, tout ce qui est recherche documentaire, ça me prend entre 5 et 10 jours ouvrés, donc c'est-à-dire qu'on compte pas les week-ends bien sûr. L'écriture me prend entre 2 et 4 jours. Créer une infographie, juste les dessins, ça me prend une journée. Tourner, pas si longtemps que ça. Et ensuite, tout ce qui est montage et animation, je ne saurais pas dire actuellement combien de temps ça me prend, parce que comme je viens de refaire le workflow de cette partie-là de mon travail, et que j'ai fait des vidéos qui étaient un peu hors format, je ne saurais pas dire. Mais pas tant de temps que ça, je pense qu'on est sur une petite semaine. Une petite semaine. Ça me prend plus de temps qu'avant avec ce workflow là, avec ces animations là, mais en même temps c'est plus propre. Ensuite, on me pose la question, comment tu fais pour absorber autant de matière, livres, revues, etc. en si peu de temps? Est-ce que tu ne frôles pas parfois l'overdose? L'impression que c'est sans fin, et comment fais-tu pour aimer lire et apprendre via les livres? Pour cette dernière question, c'est un peu un style de vie, hein. C'est en étant un nerd introverti, très solitaire, avec un rythme de vie pas forcément très sain, mais en étant aussi assez obsessionnel de l'organisation. Quand on est obsessionnel de l'organisation, ça fonctionne, quoi. Même si on a un rythme de vie pas très sain, on est suffisamment obsessionnel de l'organisation pour que ça tienne. Mais blague à part, c'est un passe-temps comme un autre, c'est un champ d'intérêt comme un autre. En fait, l'impression que c'est sans fin, c'est assez agréable, hein, parce qu'on suis toujours à apprendre, à découvrir, il y a toujours à transmettre des choses, donc moi j'ai pas l'impression que ça me fatigue plus que ça, au contraire ça me réjouit. Le caractère rapide peut être un peu frustrant parce qu'il y a du survol à certains moments, mais pour moi c'est jamais perdu parce qu'en fait on pose les bases et puis on revient dessus ensuite si on a envie, on peut raffiner, etc. Il n'y a pas d'angoisse particulière, il faut juste être un peu patient et avoir de la méthode, c'est-à-dire qu'on pose d'abord des choses très simples et ensuite on vient raffiner. J'aimerais beaucoup un peu d'éclairage sur la mécanique de vulgarisation. Comment est-ce qu'on passe de pavés théoriques parfois indigestes niveau écriture à des vidéos courtes et claires? Quel choix vous faites et comment? Est-ce qu'il y a des trucs pour clarifier sans simplifier et caricaturer? Bah, je pense pas que mon contenu soit déjà parfait sur ces aspects-là. C'est quelque chose sur lequel je pense on progresse un peu toute sa vie, la manière de transmettre. Là, je pense que je suis à un niveau qui est encore extrêmement complexe, mais aussi un choix de ma part. Parce qu'en fait, il faut faire des choix quand on fait du contenu vidéo, parce que c'est un dispositif qui est relativement lourd. Ça vous bloque beaucoup parce que vous faites une vidéo, ça veut dire que vous pouvez pas, au milieu de la vidéo, vous arrêter pour vous adresser à telle personne qui a pas compris tel truc ou qui a besoin qu'on traîne un petit peu. Vous pouvez pas vous dire, ah bah en fait il y a toute une partie de la population qui va pas être touchée par ce genre de contenu, donc il faut que je refasse un autre un peu différent. La vidéo, c'est beaucoup beaucoup de contraintes matérielles pour toucher une cible qui va être nécessairement restreinte. Et quand on dit restreint, ça peut être restreint au grand public. Pour moi, c'est une restriction. Dire une vidéo grand public, ça veut dire que d'autres gens qui sont pas intéressés par le contenu grand public ne vont pas être intéressés. Donc je suis consciente que j'ai un contenu de niche et que parfois ça peut frustrer des gens que ça soit pas plus accessible, mais c'est aussi un choix. Et par ailleurs, je développe des ateliers dans l'espoir de pouvoir continuer à faire de la vulgarisation et de la médiation scientifique en pouvant m'adapter à différents publics. Et ça, c'est possible uniquement si je peux rencontrer ces publics et faire des interventions auprès d'eux, parce que je ne veux pas pouvoir faire que de la production vidéo. Moi, la production vidéo, pour moi, c'est pas un métier que j'envisage de faire, c'est pas ma formation, ça me fatigue. Je préfère éventuellement, je préfère animer des ateliers, donner des cours, écrire, faire de la documentation, mais le montage vidéo, c'est extrêmement fatigant. Alors, je pense pas qu'il y ait de recette miracle pour rendre des choses complexes simples. Par contre, je pense que c'est des choses qui s'apprennent progressivement, parce que déjà, il faut apprendre soi-même à apprendre et à débroussailler des sujets, il faut les maîtriser. Donc, une fois qu'on a une certaine maîtrise soi-même des sujets et de l'apprentissage, on peut ensuite se poser la question de la transmission. Et là, ça devient une autre affaire. Mais pour dire des choses un peu banales, bah, je pense qu'il faut partir du principe que, quel que soit le vocabulaire qu'on utilise, eh ben, le moindre des mots un peu techniques, il faut partir du principe qu'il n'est pas connu et donc il faut le définir. Donc il faut définir le plus possible les termes qu'on utilise, donner des exemples. Et puis je pense qu'il ne faut pas hésiter à être extrêmement rigoureux et à traîner un peu sur des choses qui sont compliquées. Et c'est pour ça que la vidéo, c'est assez imparfait. Parce que, en fait, vous savez très bien que le timing que vous allez annoncer d'emblée va refroidir certains. Donc vous pouvez prendre plus de temps pour expliquer telle chose. Sauf qu'en bout de course, finalement, les gens ne vont pas venir voir parce qu'ils vont se dire ça va être trop long, c'est fatigant. Donc c'est une alchimie un peu compliquée en fait. Hein. Mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à aborder des choses complexes et à faire l'effort de les décomplexifier. On peut croire au premier abord que c'est complexe, mais on voit que en essayant de les expliquer, eh ben, ça devient plus limpide. Et pour moi, le passage par l'écrit, donc le passage par le script, c'est vraiment nécessaire parce que ça permet de se rendre compte de ce qu'on n'a pas compris quand soi-même on lisait, de ce qui manque en matière d'affirmation. Ça permet de poser les choses, de les réorganiser dans l'espace et dans le temps, une sorte de déroulé qui va devenir quelque chose que, en écoutant, on comprend au fur et à mesure. Mais voilà, ça peut pas toujours fonctionner. Il y a des moments où il faut se rendre à l'évidence qu'on a échoué à être clair. Parfois on est clair pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Voilà, je pense pas qu'il y ait de recette miracle, mais il faut essayer, recommencer, travailler à l'organisation de ses pensées. Et je pense que pour moi, l'aspect schéma aussi, l'aspect visuel et spatialisation aussi, ça aide beaucoup. Moi, je sais que quand j'ai passé les concours de l'agrégation, une des choses dont j'ai eu besoin, c'est de sortir de la linéarité pour pouvoir me représenter les choses dans l'espace avec des gros pôles et de pouvoir les manipuler, les bouger, etc. Vous pouvez pas bouger les schémas que je fais, mais je pars de l'idée que quand c'est visuel, ce qui a été dit précédemment, on en a encore une trace à l'écran et on est capable de voir quand il y a une distinction conceptuelle, quand il y a une liste de choses qui vont ensemble et que ça crée une sorte de déploiement ensuite, une ramification qui va raffiner encore le pôle dans lequel on est rentré, etc. Donc ça, pour moi, c'est une manière de faire. Est-ce qu'il y a des auteuristes ou des intellectuels académiques à qui tu fais confiance ou qui ont acquis ta confiance, c'est-à-dire que tu vas prendre leurs propos en compte dans ta réflexion sur un sujet sans trop de doute ou de vérification, et si oui, lesquels? Ben, la réponse, en fait, s'il faut répondre par un mot, c'est non. Non, il n'y a pas de confiance accordée. C'est par étape et par compartiment. Si, par exemple, vous êtes en train de découvrir une thématique et vous avez identifié un spécialiste, vous faites confiance à ses connaissances. Ben, par exemple, les spécialistes de l'écoféminisme ou de l'historiographie féministe, bah, vous êtes obligé de faire confiance à leurs connaissances dans un premier temps. Vous n'avez pas le choix, parce que vous ne savez pas de toute façon à qui vous allez pouvoir faire confiance. Mais à partir de là, ça veut dire que quand vous devez communiquer sur ce que vous venez de découvrir à travers ces auteurs et ces autrices, qui sont des références dans le champ, et ben vous vous dites, ok, je ne sais pas si dans le détail tout ça c'est correct, mais vous pouvez être plus ou moins sûr que dans les grandes lignes, sur les grands schémas, on va dire, de ce qu'il et elle présente, c'est ok. Donc vous allez commencer par parler de ce qui est relativement consensuel. Et vous éviterez aussi, si vous voulez savoir comment faire confiance à un auteur ou une autrice, vous éviterez aussi les textes qui sont soit trop enthousiastes et dithyrambiques, soit à l'inverse, vous ferez attention aux textes qui sont vraiment dans l'invective ou dans la critique uniquement, quoi. Quand il n'y a pas de balance dans les propos, faut que ça vous mette sur la puce à l'oreille sur le fait que c'est un peu louche, quoi. Et puis dans un deuxième temps, une fois que vous avez d'abord abordé les généralités et que vous êtes à peu près sûr d'avoir identifié ce qui était consensuel, quand vous voulez rentrer en détail, en précision dans une thématique, ben là ça veut dire qu'il faut lire différents commentateurs et commentatrices, ça veut dire qu'il faut lire les sources en première main, et là ça vous demande un peu plus de temps. Et il va falloir pouvoir comparer ce que disent les commentateurs et commentatrices sur tel point, leur désaccord, etc. Ce qui fait que vous n'allez pas vous dire nécessairement cette personne-là est plus fiable que les autres, c'est surtout que vous allez pouvoir comparer les différentes opinions des différentes personnes qui parlent sur le même sujet, et à partir de là, avoir une interprétation correcte du champ, plus vous-même ajouter votre niveau d'interprétation en lisant les textes en première main. Voilà. Ce qui fait que la question de la confiance, en fait, elle est très loin, parce que c'est des choses qui sont discutées, quoi. On est dans des champs scientifiques d'histoire des idées où vous pouvez pas vous dire ce spécialiste-là ne sera jamais contredit, ou ce spécialiste-là, quoi qu'il arrive, a toujours raison sur ce qu'il énonce. Vous pouvez effectivement avoir confiance dans la rigueur des auteurs et des autrices en vous disant, voilà, effectivement, je vois bien qu'il essaye de faire en toute bonne foi le tour du sujet, et si parfois cette personne oublie des choses, eh bien, on pourra lui objecter et elle va le prendre en compte, etc. C'est ça qu'il faut voir, à mon avis, surtout, c'est la question de la capacité de se remettre en question et de bien assimiler les critiques. Ça fait partie de ce qui peut donner confiance, mais nécessairement, ça ne vous ôte pas le fait que vous devez vous-même faire un travail de réflexion sur ce qui est dit et aller comparer avec d'autres textes pour voir d'autres points de vue, d'autres commentateurs, d'autres interprétations, etc. Après, il y a un autre aspect qu'on peut essayer de regarder, c'est la question de adhérer à une thèse. Par exemple, vous lisez l'ouvrage de Pierre Charbonnier dont j'ai parlé en janvier. Moi, je l'ai lu et je me suis dit, c'est très intéressant. J'ai confiance en son travail dans le sens où je sais qu'il y a de la rigueur, etc. Mais c'est pas parce que j'ai été intéressée par ce texte et ça m'a semblé un bon point d'appui pour des réflexions ultérieures que nécessairement, il n'y a rien à redire au texte. On en a discuté pendant l'interview, il y a des choses qui manquent, etc. Et lui-même le sait et cherchait à ce qu'on lui dise ce qui manquait. Et par ailleurs, une fois qu'une thèse est lancée, même si vous trouvez qu'elle a des assises solide, c'est pas pour autant qu'il y a personne qui va venir lui tirer dans les pattes et que vous-même, vous pouvez pas vous dire « à cet endroit-là, si on retire une brique, il y a un truc de l'édifice qui va s'écrouler. » Ce qui fait que, en fait, vous avez confiance dans une certaine solidité jusqu'à un certain point où vous êtes stimulé intellectuellement par la réflexion et vous voulez vous en servir, donc quelque part vous faites confiance au fait que ça va pas donner quelque chose de stupide à la fin, quoi. Et d'ailleurs, ce qui compte, même si l'auteur ou l'autrice a des défauts dans son texte, dans son argumentation, etc., ce qui compte, c'est ce que vous allez pouvoir en tirer de positif, et même en négatif, si vous trouvez quelque chose qui manque, ça veut dire qu'effectivement il faudra soit continuer à chercher des textes qui sont un peu plus complets, soit même les produire, ou soit même produire une critique. Donc, même si un texte n'est pas parfait, ce qui compte, c'est que vous puissiez vous en servir et que ça soit assez consistant pour le faire. J'ai eu des questions diverses aussi sur l'activité de la chaîne. On me demande de montrer son visage en tant que femme sur YouTube, c'est un certain risque à prendre, sexisme, harcèlement, etc. Et est-ce que ça va ? Ça va, je pense, dans le sens où on est encore assez peu sur cette chaîne, il n'y a pas un énorme public, et les algorithmes YouTube doivent fonctionner de manière à montrer mon contenu à des gens qui sont déjà intéressés par ces textes et qui ne sont pas là pour les dégommer. Alors je pense qu'on voit bien le rôle que peut jouer la miniature dans la manière d'attirer un certain public. Par exemple, quand j'ai travaillé avec Thomas Crespo sur la vidéo Les féministes sont-elles biophobes, c'est un titre que je n'aurais pas mis moi-même. On en a discuté ensemble, c'est ce que lui m'a suggéré et comme c'est son contenu, je l'ai laissé libre de mettre ce titre qui effectivement est un peu provocateur parce que quand on entend le terme biophobe, quand on a cette affirmation Les féministes sont biophobe. On sait d'où ça vient en fait, ça vient pas du côté des féministes et du coup ça m'a ramené dans les commentaires de cette vidéo-là un public particulièrement hostile. Mais c'était pas moi qui étais sur la vidéo donc pour le coup. Et après je pense que vous avez remarqué aussi que je suis pas quelqu'un de très courageux, je me fais disparaître au maximum d'un point de vue physique, c'est-à-dire que la plupart du temps vous ne voyez même pas mes bras. La dégradation de l'image est faite exprès aussi pour ça, ça me soulage de faire en sorte d'exister le moins possible physiquement, même si je fais du facecam, ça peut paraître paradoxal, hein, mais en fait, moi j'aime bien voir des vidéos avec du facecam, donc ça me semblait évident que j'allais faire des vidéos avec du facecam, mais je voulais absolument pas exister en tant que corps. Du coup, je pense que effectivement, cette manière que je peux avoir de disparaître dans l'image, peut-être me préserve un peu, mais je pense que c'est surtout les algorithmes de YouTube qui jouent. Quelle vidéo vous a procuré le plus de plaisir à réaliser? Pourquoi? Eh bien, c'était la vidéo que j'ai réalisée avec Thomas Crespo. Parce que, effectivement, j'ai pu, en la concevant, avoir des discussions très intéressantes avec lui. Et comme c'est un chercheur, on a discuté de l'actualité de la recherche, etc. Et c'était très bien d'avoir ce moment d'échange et de discussion, même sur le texte qui allait ensuite devenir le script de la vidéo. Donc, c'était plutôt sympa. J'ai beaucoup aimé aussi faire les vidéos sur la spiritualité dans l'écoféminisme. Parce que c'était une duologie. J'ai vraiment pris mes aises d'un point de vue temporel. C'est moins frustrant parce que j'ai déjà pris plus le temps de faire de la documentation, j'ai pris plus d'espace pour écrire et c'est aussi le moment où j'ai appris à faire des schémas un peu plus jolis que ceux d'avant. Et ça me rend assez fière finalement, même si j'avais très la flemme au début. Quelle vidéo vous a été le plus pénible à réaliser et pour quelle raison? Alors, il y a deux vidéos qui m'ont un peu fatiguée. Celle sur la deep ecology parce que c'était pas très intéressant à lire en fait les textes que j'ai lus. Très fatigant aussi la vidéo de présentation de l'ouvrage de Pierre Charbonnier parce que j'ai reçu le service presse juste avant un moment où j'avais décidé de prendre des vacances en fin d'année au moment des fêtes, etc. Et en plus de ça, la date de parution était très rapprochée également, donc j'ai mis moins de 3 semaines pour créer ce contenu. Ce qui fait que j'ai dû aller à fond la caisse et ne pas prendre de vacances parce que j'avais envie que ça sorte le jour de la parution du livre. C'était peut-être pas très malin, mais c'était éprouvant. On me demande les bandes démos de mes doublages. Je ne sais pas ce que c'est. Dis-moi ce que tu veux. J'ai pas tout à fait compris. On me demande si je compte sortir de YouTube parce que tous les problèmes de YouTube qu'on connaît. Ben, j'aimerais bien, sauf que c'est là qu'est le public. Je pense que j'aurais tort de partir. En tout cas, de faire que partir. C'est-à-dire que je pourrais très bien, par exemple, là maintenant, laisser mes vidéos sur YouTube et continuer à produire sur YouTube tout en mettant mes vidéos sur d'autres plateformes. On m'a proposé de le faire, mais c'est une question de temps, j'ai pas pris le temps. Si vraiment ça vous importe, pour certains, je le ferai. On me demande si un jour je vais épuiser les sujets d'écologie politique et de féminisme, et si oui, qu'est-ce que je ferai d'autre? Je pense pas que je les épuiserai parce que c'est toujours en constante évolution actuellement ces questions. Donc même si à un moment je décide que j'en ai marre de faire de l'historique et que je vais plus m'intéresser à la production contemporaine, bah, j'aurai toujours des choses. Par contre, si vraiment moi-même j'ai envie de passer à autre chose, et il y a d'autres choses que j'ai envie de faire, hein, ça c'est sûr, j'aimerais beaucoup par exemple faire de l'épistémologie des sciences humaines. Ça me semble très important. Dès que je pourrai, je pense que je lancerai ce projet. Mais dès que je pourrai, pour l'instant c'est encore très très loin. On me demande si j'ai majoritairement en viewer des hommes ou des femmes. J'ai 80% d'hommes en viewer. Je sais pas si c'est des statistiques fiables. Du coup, je sais pas si c'est vrai. Parce qu'il y a quelque temps, j'avais 100% d'hommes en viewer. Donc je suis pas totalement convaincue par ces statistiques. Alors, on me demande aussi si, puisque j'ai travaillé sur Teeming Gold, je ferai du contenu sur Teeming Gold. Comme pour tout ce qu'on me demande de faire ou qu'on me demande si je vais le faire, il n'y a pas de programme, c'est un peu en flux tendu. Je n'ai pas prévu des choses en particulier, il n'y a pas de planning. Parfois, il y en a un petit peu parce que j'ai certaines envies que je me dis il faut que je fasse ça maintenant. Sinon, plus ou moins, tout est ouvert. Ça va juste dépendre du temps qui passe en gros et de la production que j'arrive à avoir. On me demande si je serais un jour susceptible de faire une vidéo à propos de courants idéologiques que je ne soutiens pas du tout. Et on me demande si je l'ai déjà fait. Oui. On me demande aussi si je vais passer à parler de fiction également. Oui, c'était vraiment ce qui était prévu d'ailleurs au début. Et j'ai juste pas pris le temps parce que déjà la matière théorique est énorme et que je me suis pas encore posé pour savoir quel angle j'allais adopter par rapport à ça. Mais fondamentalement, j'aimerais le faire et je pense que je vais commencer dès septembre dans la revue qui vient. Ensuite, on me pose des questions de manière plus générale sur la vulgarisation scientifique. Alors déjà, on me fait souvent la remarque que soit il faudrait être un peu plus comme Jamy, soit il faudrait être pas du tout comme Jamy. Alors déjà, je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas apprécié les moments où je fais des face-à-face avec moi-même, par exemple dans les vidéos sur l'écoféminisme. En fait, c'est ce que j'avais plus ou moins instauré comme tradition, on va dire, sur cette série-là, sur les écoféminismes, parce qu'à la base, la première, je l'avais créée pour un concours de vidéos et je me suis dit, bon, allez, soyons un peu fun. Je pense qu'il y en a qui ont très bien vu que je ne suis pas le fun. Donc j'ai voulu garder ça quand même en me disant, allez, un petit challenge. Bon, si vraiment c'est gênant, j'arrête, hein, mais j'ai l'impression qu'il y en a que ça aide un peu aussi le côté discussion, dans le sens où parfois on a des conflits internes, on est un peu d'accord avec un truc et puis en même temps on se trouve bête de penser ça. Voilà, ça me semblait pas si bête. Et après, je pense que je suis aussi relativement compliquée pour certains, certaines d'entre vous. J'ai aussi quelque chose d'assez austère. Ben, c'est comme ça que je suis, quoi. Et je pense que il vaut mieux essayer de faire avec ce qu'on a sincèrement plutôt que de se transformer en bout en train quand on n'en est pas un. Déjà parce que c'est une grande douleur. Et ensuite, je suis contente si je peux donner du contenu de non bout en train à des gens qui, comme moi, n'apprécient pas particulièrement ces contenus-là. Donc voilà, c'est peut-être clivant, mais c'est un compromis entre ce que je suis capable de faire, ce que j'aime faire et ce qui est vaguement attendu dans le milieu de la vulgarisation scientifique. Mais j'ai pas envie de souscrire à tous ces codes-là parce que je les vois trop et parce que je m'y reconnais pas. Et en plus, j'ajoute que je pense pas qu'il y ait un bout en train sur des questions aussi graves que des questions genre et féminisme et des questions d'écologie politique, ça soit particulièrement approprié. J'aurais un peu honte d'éclater de joie en parlant des thèses scientifiques qui présentent l'exploitation des individus par d'autres. Enfin, c'est un peu étrange quand même comme idée. On pose plein de questions sur le militantisme et la vulgarisation. On me demande si je considère que ce que je fais sur la chaîne, c'est du militantisme. La réponse est non. Je fais de la vulgarisation scientifique. Ensuite, ce que je fais dans ma vie privée et dans mon engagement personnel, ben ça me regarde pour le coup, et ça j'en parlerai pas, je donnerai pas mon avis. Et par contre, ce sur quoi je pourrais dire éventuellement que effectivement j'ai une posture militante, c'est dans l'idée que si je fais de la vidéo, c'est pas juste parce que ça m'intéresse de faire ça, c'est aussi parce que je pense que c'est très important de mettre à disposition du plus grand nombre des connaissances et de faire le lien entre une production universitaire qui peut paraître opaque, très lointaine, alors que pourtant il s'agit de questions qui nous touchent tous et toutes, de faire le lien entre l'université et le grand public, ça me semble effectivement une posture politique et une sorte d'engagement pour la démocratisation des sciences, quoi. Donc ça, on peut dire que mes vidéos sont militantes de cet ordre-là. Mais sinon, ce qui m'importe surtout, c'est de donner de manière très claire une connaissance des textes, des thèses et des travaux scientifiques en sciences humaines qui ont lieu sur ces thématiques, parce que je pense que tout un chacun en a besoin pour pouvoir se forger une opinion, continuer à réfléchir sur ces thématiques-là, sans que ça soit réfléchir dans le vide ou réfléchir à partir de moi dans mon coin quand j'ai réfléchi à ça tout seul. Ça me semble important que tout le monde puisse avoir à disposition une bibliothèque simplifiée des grandes thèses et des grands textes de ces courants de pensée. Que tout le monde côtoie ces thématiques au quotidien et ne pas avoir accès aux thèses qui les traitent, pour moi, c'est quelque chose de très délétère et c'est pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne. On me demande comment ça se passe dans le milieu de la vulgarisation, la prise de parole féministe. En fait, c'est un peu compliqué parce que c'est pas vraiment un milieu que je connais encore beaucoup. Je suis, à mon sens, encore très en marge parce que bah déjà, ça fait pas si longtemps que ça que je fais de la vulgarisation scientifique. J'ai pas des grands skills de communication, ce qui fait que je suis un peu dans mon coin. Et par-dessus tout, en fait, je fais de la vulgarisation des sciences humaines et il faut savoir que eh bien, le milieu de la vulgarisation scientifique, il est surtout taillé pour les gens qui font des sciences dur entre guillemets, donc biologie, physique, mathématiques. Et du coup, je suis pas très intégrée et je peux difficilement répondre par exemple à des appels à projets, parce que ça concerne rarement les sciences humaines. En tout cas, la manière dont c'est formulé, c'est pas très incitatif. Et donc pour l'instant, je ne pousse pas trop les portes. Mais effectivement, je fais partie du Café des sciences depuis quelques mois. J'ai été à une réunion. Mais en gros, au doigt mouillé, moi de ce que je comprends, c'est un milieu qui fait un gros effort pour être inclusif, mais en fait comme c'est aussi un milieu qui se considère comme ne touchant pas à des questions politiques à travers son contenu, eh bien c'est un peu plus difficile. Je pense que c'est dû au fait qu'en sciences dures entre guillemets, en fait il n'y a pas de formation à l'épistémologie, qui fait qu'il y a un déficit de ce côté-là et que tout ce qui est science comme étant des entreprises politiques ou étant baigné par des questions qui ne sont pas uniquement sur des faits, eh bien c'est un peu plus compliqué à aborder. Et puis aussi je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce milieu qui ont justement pas spécialement envie de toucher à des questions politiques. Alors, question difficile, on me demande si dans Igor, Spirituality and Distortion, c'est supérieur à Savage Sinusoid. C'est pas une question très sympathique. Je vais pas pouvoir y répondre, désolée. Dernière rubrique que j'ai appelée Finance et Avenir de la chaîne. Alors déjà, comment est-ce que ça se fait que je sois à temps plein sur tout ce qui est médiation, vulgarisation scientifique et la chaîne? Je ne touche pas d'argent pour cette activité, mais en gros, ça fait plus d'un an que j'essaye de me professionnaliser dans ce milieu. Donc effectivement, ça demande du temps parce qu'il faut créer un réseau, il faut montrer qu'on est capable de faire le travail. Mais aussi, la première chose que j'avais eu envie de développer et que j'ai pas pu trop mettre en application cette année, c'est les ateliers de découverte et d'approfondissement de l'histoire des idées en écologie politique et en féminisme, donc ce que je fais sur la chaîne, mes versions atelier ou formation professionnelle. Je voulais lancer ça en fin d'année 2019 et il se trouve que j'ai été confrontée au problème des grèves des transports, que j'ai pas pu trop bouger de chez moi. J'ai été ensuite confrontée au problème du virus. Donc les ateliers pour l'instant, c'est au point mort. C'était sur ça que je comptais établir un début de rémunération et d'activité professionnelle financée. Et donc ce n'est pas arrivé. Et pendant tout ce temps, je me suis rendu compte aussi que je voulais diversifier mes activités au-delà des ateliers pour me financer. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est pouvoir faire de la documentation, du conseil documentaire, de l'assistance à l'écriture, écrire également pour des commandes en particulier, ce que j'ai eu l'occasion de faire. Et la vidéo, pour moi, c'est quelque chose sur lequel je ne comptais pas vraiment pour me rémunérer. Je ne compte toujours pas vraiment dessus pour me rémunérer par ailleurs. Et malgré tout, c'est quand même l'activité qui m'a pris le plus de temps cette année. Alors, c'est l'activité qui m'a pris le plus de temps cette année parce que j'ai été effectivement enfermée chez moi par les diverses situations qui se sont enchaînées. Autre difficulté que j'ai pu rencontrer, j'ai pas vraiment les vibes de l'entrepreneuriat. J'ai eu des formations là-dessus, c'est terrible pour moi, je déteste absolument. Donc là, ce que je suis en train de faire actuellement, c'est que je persévère dans la création d'une activité indépendante. Ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Et ce qui me permet de prendre mon temps et de faire ça bien et de pas être à la recherche de contrats qui me feraient renoncer à mes méthodes et à mes convictions en termes de ce qu'il est important de transmettre, j'ai la chance de pouvoir bénéficier de la solidarité de mon conjoint. Et alors c'est une situation intéressante pour démarrer une activité, mais pour la démarrer seulement. Et du coup, je suis dans une période où j'arbitre difficilement à l'intérieur de mon temps de travail la manière dont j'alloue l'énergie et le temps. Parce que à la fois la chaîne c'est l'endroit où j'ai le plus de visibilité, le plus de retours et le plus de liberté, et en même temps c'est cette activité qui est susceptible de générer absolument aucun revenu. Donc j'arbitre entre l'activité de la chaîne et le développement de cette activité indépendante et de recherche de contrat qui est très longue et très fastidieuse. Je suis à un moment où je me demande ce que j'ai envie de privilégier, et du coup ça veut dire que effectivement si je veux pouvoir continuer la chaîne, il faut qu'elle me rapporte au moins un peu d'argent, ou bien qu'on me rémunère pour continuer ma chaîne, mais ça n'arrivera pas. Du coup, si je vous demandais si vous étiez prêt à me soutenir financièrement, déjà d'une part on m'a demandé si c'était possible de le faire plusieurs fois, et d'autre part, effectivement, si je veux garder un ratio correct de création de vidéos par rapport à d'autres activités qui me ramèneraient de l'argent, eh bien il faut que la création vidéo me rapporte un minimum, parce que sinon je vais devoir privilégier les autres travaux. Donc j'ai décidé, un peu à contre-cœur, mais dans l'idée que ça me permettait de garder mon indépendance, d'ouvrir un Utip. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui ont de l'argent en masse et pas un RSA, pas un chômage, vous pouvez me soutenir par là, soit par un don ponctuel, soit par un don récurrent. Et il y a aussi la possibilité de regarder des publicités sur Utip. On m'a fait la remarque que c'était plus intéressant de financer un collectif qu'un individu, parce que donner la parole à un individu seulement, c'est le mettre sur un pédestal, etc. Complètement, complètement. Je fais partie de groupes de travail, hein. Les gens sont très occupés en fait, ils sont pas à temps plein. En général, ils ont des obligations, donc ça veut dire que par exemple, j'invite beaucoup de gens à venir travailler sur la chaîne avec moi, mais ils ont pas forcément le temps, il faut que j'attende. Et ensuite, créer une structure, ça demande énormément de temps, des capacités d'organisation, et qui c'est du temps qu'on alloue aussi également. Ça fait plus de gens à financer, ça pose tout un tas de questions logistiques difficiles et d'organisation également. Et par ailleurs, j'estime que sur la chaîne, je ne suis pas là pour donner mon avis, je suis pas là pour vous dire quoi penser, ça me semble important. Alors évidemment, il y a toujours des dynamiques qui s'installent effectivement quand on tient une chaîne YouTube seule, des dynamiques qui font que une sorte de starification bizarre, je sais pas spécialement quoi faire contre, mais sachez que au maximum, moi ce que je fais, c'est répéter ce qui a été écrit, expliquer ce qui a été écrit, inviter d'autres gens quand c'est possible à participer et à parler de leurs travaux. Mais voilà, ça demande du temps, de l'organisation, le temps des autres. Donc c'est une négociation quoi, en gros, entre toutes les possibilités qu'il y a et les impossibilités surtout. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que vous ne vouliez pas de contrepartie, mais vous êtes aussi intéressés par divers formats supplémentaires. Ok, pas de problème. Du coup, je vais essayer de produire des suppléments et qui seront disponibles pour tout le monde et pas juste pour les donateurs donatrices. Si vous n'êtes pas sur Twitter, sur lequel je communique, ou si vous y passez pas régulièrement, j'ai créé une newsletter qui vous permettra de vous tenir au courant si vous voulez avoir accès à tous les contenus que je vais mettre en ligne, à la fois sur mon site internet, à la fois sur Twitter, parce qu'il y a des fois où je publie des threads, ça peut vous intéresser. Si vous voulez avoir accès à tout ce que je vais essayer de produire en plus hors de la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire à ça. Ce sera pas une grosse newsletter, ce sera peut-être une fois par mois, quelque chose comme ça. Juste pour vous tenir au courant, vous faire une liste de ce que j'ai fait. Vous êtes aussi intéressé par le format revue, et bien ça commencera en septembre. Et puis j'ai plein d'autres idées de plein d'autres formats. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo qui est probablement 10 000 fois trop longue, dans laquelle j'ai 10 000 fois pas assez d'énergie. À bientôt pour une nouvelle vidéo.